Et sinon, comment ça va au travail, vous? Du mal à vous concentrer jour après jour? Vous commencez la semaine épuisée, vous n'avez plus l'impression de récupérer après le week-end, vous êtes irascible, vous vous sentez déprimé, vous perdez vite votre calme. Le soir, la nuit à la maison, vous y pensez tout le temps et pas en des termes très valorisants. Vos collègues, vos patrons vous insupportent de plus en plus. Si vous répondez oui à chacune de ces questions, il n'est pas totalement impossible que vous souffriez d'un syndrome de burn-out, un thème très à la mode, mais qui décrit pourtant un ensemble de troubles mal définis et qui ne sont toujours pas reconnus comme une maladie à part entière. Burnout, le travail, c'est plus la santé, c'est le programme épuisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de comprendre exactement ce qu'est ce syndrome de burn-out, comment il se caractérise sur le plan clinique et neurologique, et puis comment il peut être évidemment pris en charge, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'investigation et de traitement des insomnies à l'hôpital de jour du service de psychiatrie adulte à la Pitié-Salpêtrière à Paris, co-auteur avec Philippe Fossati de Burnout, Le mal du siècle, c'est édité par l'Institut Diderot, et Mathias Pessiglione, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de l'équipe Motivation, Cerveau et Comportement à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière. Mais pour commencer, eh bien, que s'est-il passé dans le vaste monde de la recherche des sciences ce week-end? C'est avec Natacha Triou qu'on fait le tour de l'actualité dans le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Communications et une avancée en informatique quantique. Et pour la première fois, une équipe japonaise a réussi à lire plusieurs fois l'état d'un électron dans une boîte quantique en silicium. Et ce, sans le détruire, c'est-à-dire en le gardant piégé dans cette boîte. Alors jusqu'à présent, on arrive à isoler des systèmes quantiques individuels et à les faire interagir deux par deux. C'est déjà une grosse difficulté. Mais là, l'une des avancées, c'est que ces mesures ont été observées dans des circuits, non pas à partir de supraconducteurs, mais à partir de silicium, le matériau de base de la microélectronique. Avec ces travaux, on peut dire que l'on avance un peu plus vers la concrétisation d'une informatique quantique. Anaïs Dréau est chargée de recherche CNRS en physique quantique au laboratoire Charles Coulomb à Montpellier. La mesure quantique, c'est vraiment quelque chose de particulier propre au monde quantique, qui fait que quand on va regarder un système, quand on va essayer de récupérer l'information, on va toujours le perturber. Après, il y a des mesures qu'on appelle single shot dans cet article, qui sont des mesures monocoup. Donc, on va regarder une fois le système, on va réussir à récupérer toute l'information. Et le problème, c'est que souvent, en fait, ce système, cette mesure va le détruire. Par exemple, avant, quand on mesurait l'électron dans une boîte, on fait sortir de la boîte et donc on le perdait, en fait. Mais là, en fait, on voit, par exemple, si vous voyez la figure 1, dans ce circuit, donc il y a une mer, en fait, d'électrons. Et en mettant donc des électrodes métalliques et en créant des champs électriques, on va pouvoir piéger des électrons dans ce qu'on appelle des boîtes. Donc ça forme des petits îlots. Par exemple, dans la mer, avec plein de poissons, on va, dans un filet, piéger un seul poisson. Donc on va supposer que notre poisson, il est quantique. L'idée, c'est de réussir à mesurer son état, en fait, sans le perdre. Donc là, ils piègent, en fait, un premier électron sur lequel ils vont encoder l'information et à côté, ils vont piéger donc un autre électron. Donc, deux électrons côte à côte, on va utiliser donc le deuxième électron qui s'appelle l'amphila, donc c'est un électron auxiliaire. Et c'est lui dont on va corréler l'état avec l'électron principal et ce système auxiliaire qui va servir vraiment de mesure. Et là, c'est en fait un appareil, si vous voulez, de mesure quantique intrinsèque. L'étape d'après, ce sera d'utiliser ça pour implémenter, mettre en œuvre des algorithmes de correction d'erreurs quantiques. Mais ce qui est vraiment difficile dans ce domaine, c'est d'avoir en fait énormément de systèmes quantiques en interaction. Et donc c'est un des enjeux du domaine d'essayer d'agrandir en fait la taille de ce circuit et de plus avoir deux systèmes quantiques, mais vraiment d'en avoir un grand nombre. Et on passe au bref. L'épidémie de Covid-19 pourrait ralentir la chaîne de production des médicaments à l'échelle mondiale. En Europe, la plupart des principes actifs de nos médicaments sont fabriqués en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. En France, seuls 22% des médicaments sous ordonnance sont produits sur place. Alors pour le moment, en France, il n'y a pas de pénurie de médicaments liée à l'épidémie du coronavirus. il existe des stocks, mais selon les industriels, on peut craindre une pénurie de certains médicaments d'ici le second ou le troisième trimestre. Les États-Unis viennent de déclarer une première pénurie liée à l'arrêt de la production en Chine. La Direction Générale de la Santé cherche dès à présent un plan B dans l'éventualité où l'épidémie s'aggrave. Et si vous voulez tout savoir sur l'état de la recherche scientifique sur le coronavirus, on vous met le lien vers l'émission spéciale que nous y avons consacrée vendredi dernier sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Toujours en bref, Natacha, une étude parue dans Astronomie et Astrophysics répond à une inquiétude. Les méga-constellations de SpaceX vont-elles perturber les observations astronomiques? Et ben, sans surprise, la réponse est oui. Et depuis mai, Elon Musk a déjà envoyé 240 satellites en orbite pour son projet Starlink, qui devrait atteindre à terme les 12 000. Et c'est sans compter ceux prévus par la concurrence tels que Amazon et OneWeb. L'Observatoire européen austral a évalué les conséquences de ce parasitage nocturne. Les expositions courtes seront modérément affectées. En revanche, les observations à champ large seront gravement touchées. 30 à 50% des expositions seront parasitées. Alors, des solutions existent, nous dit l'étude, comme par exemple éviter les zones où ces satellites circulent, mais ces solutions sont coûteuses. Ce papier pose alors une autre question. Pourquoi serait-ce aux observatoires, financés par des fonds publics, de résoudre les problèmes créés par les entreprises privées? Et pour conclure, dans Scientific Reports, la découverte d'une capacité insoupçonnée chez le chien, les chiens peuvent renifler la chaleur des objets. Et cela expliquerait pourquoi les chiens restent d'excellents chasseurs, même lorsqu'ils sont aveugles et sourds. Les chercheurs de l'Université du Colorado ont mené plusieurs expériences avec 13 chiens de différentes races. Par imagerie cérébrale, ils ont découvert qu'une région spécifique de leur cerveau, le cortex somatosensoriel gauche, est activée par les stimuli thermiques chauds. L'urinarium, cette zone humide au bout de la truffe est toujours fraîche, est impliqué. C'est justement sa fraîcheur qui permettrait aux chiens d'être sensibles au rayonnement thermique des corps. Alors, cette faculté est rarissime. Elle n'est partagée que par les coléoptères, certains serpents et les chauves-souris vampires. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Si la dépression était le mal du siècle, au tournant du siècle dernier, évidemment avec la figure flaubertienne de Madame Bovary, son visage au tournant de celui-ci pourrait bien être le burn-out. La notion a fait son apparition officielle dans la littérature scientifique dans les années 70, elle est devenue de plus en plus employée, de plus en plus populaire, si vous me passez l'utilisation de ce terme ces 20 dernières années. Malgré le fait qu'une population de plus en plus nombreuse déclare être victime de ce qu'on pourrait appeler en français un syndrome d'épuisement professionnel, celui-ci n'est pourtant toujours pas reconnu comme une maladie, ni par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ne l'a pas ajouté à la révision de sa classification internationale des maladies l'an dernier, ni en France, par l'Assemblée nationale, qui a rejeté la proposition de loi qui aurait qualifié le burn-out comme maladie professionnelle en février 2018. Et pourtant, eh bien, ces syndromes d'épuisement au travail semblent particulièrement répandus dans la population, même s'il est quasi impossible de les quantifier, et ça ne date pas d'hier, comme en atteste notre archive du jour, témoignage d'une travailleuse recueillie sur la radiodiffusion française en 1963. Nous sommes dans une fabrique de groupe Frigo. Madame, quel est votre métier ici? Soudeuse au chalumeau. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? Un an. Vous avez des enfants? Une petite fille. Pourquoi travaillez-vous? Pour gagner ma vie. La vie est tellement dure que je suis bien obligée de travailler. Je me lève, il est 5h30, 6h moins le quart. Jusqu'à 7h le soir. Je rentre, il est 7h30. Je reprends ma fille qui est en nourrice. Après, je suis pas couchée avant 10h du soir. Et vous faites combien d'heures de travail? 10h30. Au travail. Et comment arrivez-vous à faire votre ménage, vos occupations Le dimanche, je ne sors jamais. Votre mari travaille? Oui, il est égouttier. On se voit que le soir, quand il rentre. Et vous n'avez pas de distraction dans la semaine, le samedi ou le dimanche? On ne sort jamais. Et tous les jours, c'est pareil. Et moralement, il n'y a pas des fois où vous en avez assez? Ah, ça... Plus souvent assez que des fois envie de continuer de travailler. Voilà, témoignage de cette travailleuse en 1963. Comment vous l'entendez? Alors, est-ce que finalement, cette notion de burn-out, d'épuisement professionnel, elle n'a pas été un peu galvaudée aujourd'hui? Tout le monde se sent épuisé, tout le monde travaille trop. Est-ce que on a du mal finalement à faire le distinguo entre une situation courante d'épuisement et ce qui relèverait d'un véritable syndrome d'épuisement professionnel? François Marchand. Écoutez, je crois qu'il faut quand même repartir sur l'historique un peu et aller beaucoup bien avant ça, quoi. À mon avis, l'avant de ça, c'est la révolution industrielle, c'est le milieu du 19e siècle où on a considéré que on devait mettre des montres au bras des gens, de faire les 3-8. Enfin, on a des films comme Les Temps modernes expliquant bien les choses. Il y a très peu de références, si vous voulez, déjà à de gros soucis dans le travail avant, mais là on a vraiment mis, non plus les gens ne choisissaient pas leurs horaires, on n'est plus agraire, on devient industriel, on ne travaille plus au rythme des saisons, au rythme du soleil, on travaille au rythme de l'usine et de l'entreprise, et on a donc vu apparaître là, casser un rythme qui était un rythme d'abord variable, on pouvait varier un peu plus de sommeil par exemple l'hiver, un peu moins l'été, mais de ce rythme-là, voilà, on est venu petit à petit à augmenter finalement la production, la productivité aussi, c'est-à-dire que même si on travaille, vous travaillez peut-être de moins en moins en temps depuis des décennies, mais en travaillant de moins en moins, il faut toujours produire autant, voire plus. Alors il y a eu d'autres phénomènes importants comme la robotisation, plein de choses qu'il faut qu'on produise plus, mais quand même les gens ont eu un changement radical dans leur sommeil, puisqu'on dort aujourd'hui une heure de moins il y a 100 ans et que le cerveau n'est pas obligatoirement préparé à dormir une heure de moins sur 100 ans, sachant que on a surtout un allongement du temps de vie, avec un allongement du temps de loisir, une diminution du temps de travail, mais surtout un coucher beaucoup plus tardif. Il est courant, à mon avis, le coucher, il est beaucoup plus tardif qu'avant. Il y a peut-être des grasses matinées le week-end, mais ça n'explique pas tout. Je pense que le grave, c'est d'avoir, à mon avis, augmenté la vigilance le soir. Ça n'a pas été bon pour toutes les personnes. Comment est-ce qu'on explique, selon vous, que ce burn-out que vous nommez, hein, vous-même, François Marchand, dans votre livre Le Mal du siècle, comment est-ce qu'on explique qu'il ne soit toujours pas considéré comme une maladie, Mathias Pessiglione? Non, alors moi je suis pas médecin, je vais renvoyer la balle au professeur Marchand pour les aspects cliniques. François Marchand. Je pense que le temps a fait les choses. L'investissement dans le travail, on l'a entendu bien, très bien dans le reportage que vous avez présenté. On est en 1963, la personne commence à dire qu'elle n'a pas le temps de faire autre chose que son travail, son ménage, s'occuper de son môme. C'est quand même quelque chose d'un peu dramatique de voir ce qu'on pouvait dire en 63, avec un temps de travail de 10h30 par jour, je crois. 10h30 par jour. Et quand vous lui demandez est-ce qu'elle a du temps de loisir, il n'y a pas de temps de loisir. Alors on attendait dire, le week-end, qu'est-ce que vous faites? Mais il est probable qu'il y avait peut-être peut-être qu'il y avait du travail le samedi matin. Moi, je ne sais pas ce que cette personne faisait. Puis il y avait surtout le travail à la maison, s'occuper de tout ça, et encore plus pour une femme, et encore plus en 63. Mais pourquoi malgré finalement l'évidence aujourd'hui, hein, au quotidien, on entend beaucoup de gens se plaindre de leur charge de travail, de plus avoir le temps de passer leur vie dans les transports, d'être épuisé tout le temps, de commencer la semaine. Et on fera le tableau diagnostique tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on explique que malgré cela, ce syndrome d'épuisement professionnel, donc de burn-out, ne soit pas reconnu comme une maladie à part entière? C'est-à-dire que le fait que ce soit pas reconnu comme maladie, ça vient d'une chose importante, c'est de dire que souvent, les gens, quand ils vont pas bien, ils font une dépression, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fréquent, et on retrouve, c'est tout le problème du burn-out, c'est-à-dire que si les gens ont fait deux dépressions dans leur vie avant d'avoir un burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel, on peut pas considérer le burn-out comme étant une maladie en elle-même. Ce sera une dépression, si vous voulez. Donc pour les gens qui établissent des classifications, on aura ces gens-là qui seront donc des déprimés avec une expression particulière d'une dépression, donc pas de raison de le changer. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de dépression et qui peuvent avoir aussi un syndrome d'épuisement professionnel, pour dire le contraire. Alors après, c'est un problème de classification et d'accepter l'idée qu'il y a des spécificités dans un burn-out, et d'arriver surtout avec des travailleurs sociaux, avec tous ces gens-là, parce que le burn-out, c'est pas qu'une question de travail, c'est aussi une question, et de médecin, c'est une question de tout ce qui est autour du travail. C'est-à-dire, quand je dis les travailleurs sociaux, ce sont aussi bien les médecins du travail, c'est des médecins du travail, ce sont les représentants du CHSCT, ce sont plein de représentants de la justice, en fait, tous ces gens-là qui peuvent être interpellés pour des avis sur des maladies professionnelles ou pas, est-ce qu'on reconnaît ou pas, bon, c'est pas reconnu, mais quand même, il y a eu des grosses évolutions au niveau juridique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h15 sur France Culture, nous parlons donc du burn-out tout au long de cette heure, du syndrome d'épuisement professionnel. Nous en parlons avec François Marchand et Mathias Pessiglione. On a entendu tout à l'heure une archive de 1963. À partir de quand apparaît cette notion de burn-out dans la littérature scientifique? Qui veut me répondre? Mathias Pessiglione? À partir de quand, je suis pas très sûr. 74. En 1974, en fait, où il y a un psychologue qui a considéré que, qui a décrit, en fait, cette espèce d'épuisement autour de gens qui s'occupaient un peu pour comparer un peu à ce qu'aurait fait Olivier Weinstein, le psychiatre qui s'occupait des drogués. En France, moi c'était aux États-Unis, mais lui, c'était des gens qui s'occupaient des psychiatres, qui s'occupaient de malades mentaux finalement, et qui s'est aperçu que ces personnes, psychiatres ou psychologues ou thérapeutes, autour de ça, se rendaient compte des difficultés qu'ils avaient à guérir. Enfin, je veux dire, je pense qu'on va pas, on peut aborder des choses compliquées, mais on va pas guérir une schizophrénie, on va pas toujours guérir un alcoolique, on va pas toujours guérir un drogué, etc. Et donc l'épuisement professionnel, c'était que ces gens-là se rendaient avait l'impression de ne pas être capable d'arriver à soigner des gens, et ça a été ça les premières descriptions faites par rapport au syndrome. Herbert Freudenberger, qui effectivement travaillait dans une ce qu'on appelle une free clinic, qui s'occupait de toxicomanes à New York, et a constaté ça sur les personnes, sur le personnel de soins qui perdait effectivement la motivation. Comment est-ce que vous avez le sentiment que cette notion donc de burn-out, c'est s'épuiser, c'est se brûler littéralement depuis l'intérieur vers l'extérieur. Comment est-ce qu'il a évolué dans les années, depuis ces années 70 jusqu'aux années 2000 en termes de reconnaissance, finalement, François Marchand? L'évolution, c'est d'abord qu'il faut des critères pour définir quelque chose. Et là, il y a aussi l'importance de la personnalité. C'est-à-dire que les gens ont des personnalités qui sont sujettes à être plus, à faire un burn-out plus que d'autres. Je pense aux gens très méticuleux, aux gens, enfin, on peut dire obsessionnels, c'est la société qui parle, hein, c'est pas moi spécialement, mais des gens qui ont vraiment l'envie de bien faire, des gens qui sont très scrupuleux, ces gens-là seront plus sujets à faire un burn-out, parce que fréquemment, dans le travail, on va vous demander d'être de plus en plus exigeant, de faire de plus en plus de choses, et si vous faites partie des gens qui sont des répondeurs à des demandes, fatalement, vous allez vous épuiser plus facilement, parce que vous allez, il y a un moment donné, on peut pas faire plus que plus, et c'est une espèce de soupape, et ça se répercute dans la vie de famille, et puis voilà, on entend souvent le conjoint ou la conjointe nous dire, bah voilà, ça devient plus possible, la vie à la maison. Il ou elle arrive et on a l'impression que c'est pas content de rentrer du travail. Enfin, tout ça, ça commence comme ça. C'est ça qui fait qu'avec le temps, on a réussi à définir. D'une part, on définit, à mon avis, beaucoup mieux. Et ça, c'est Mathias Pessiglione va nous répondre bien mieux là-dessus. On a des critères qui permettent de savoir les personnalités des gens et qui permettent de savoir ceux qui feront plus facilement un burn-out. Alors déjà, peut-être qu'on peut essayer de définir concrètement de quoi on parle. C'est quoi un syndrome d'épuisement professionnel? Il y a un tableau clinique, comment est-ce qu'on établit un diagnostic? Tout ça est encore relativement sujet à un certain nombre de questions, François Marchand. Il y a trois choses. Il y a l'épuisement, enfin je vais appeler ça un peu l'épuisement de l'émotion, si vous voulez. C'est l'anémotivité, si on peut dire, où on commence à plus arriver à gérer les choses. Donc on va avoir des attitudes un petit peu irritables, irritantes, on va être irrité, on va avoir une espèce d'hyperactivité aussi. Ce qu'on appelle, quelquefois on retrouve ce qu'on appelle maintenant aussi un TDAH, c'est-à-dire un trouble attentionnel avec une hyperactivité. On peut avoir des gens qui ont des déficits attentionnels au bout d'un certain temps, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc ils vont être plus impulsifs, ils vont être plus agressifs, et ça va se répertorier d'une part au travail, mais surtout chez eux. Parce que il y a plein de gens qui vont encore garder l'espèce d'envie de bien faire au travail, et il y a des gens qui vont prendre, ceux qui vont prendre, c'est dans la famille, et ça va déclencher tout le reste, à savoir, ne plus pouvoir arriver à tout faire. Voilà, c'est-à-dire ils sont débordés, quoi. Donc ça c'est le côté, ça c'est l'épuisement émotionnel. Il y a la dépersonnalisation. Il y a trois grandes dimensions, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors la dépersonnalisation, c'est faire des choses où on devient. On a entendu ça, j'ai entendu ça moi au cours des études et à l'hôpital, par exemple. C'est encore un exemple que je le connais bien. C'est la chambre 13, allez voir. La chambre 18, faut aller voir. Qu'est-ce qu'elle a, la chambre 18? On voit ça. On a cette chose ignoble, finalement, qu'on a retrouvée, qui était déjà quelque chose qui existait dans des périodes très sinistres de notre histoire, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, je pense que c'était. Des gens n'étaient pas des gens, les gens étaient des numéros. Mais quand on dit des numéros, on n'a plus de personne. On n'est plus rien. On est un numéro. Bon, alors évidemment, on ne peut pas comparer des périodes si sinistres de l'histoire qu'aujourd'hui, ce que peut reproduire notre société. Mais quand même, il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas des similitudes de donner des numéros aux gens. Voilà, quoi. Et puis après, on n'a plus la possibilité de répondre aux choses. On a l'impression de ne plus exister. On est conscient de ne pas pouvoir aboutir. Si vous voulez, si la chambre 13 a quelque chose de grave, si on n'arrive pas à soigner la chambre 13, par exemple, on va s'en vouloir. Donc on est encore une fois là, encore agressé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a effectivement en plus donc une diminution de l'accomplissement personnel, hein, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'est plus capable de rien réaliser. Le problème, c'est que quand on regarde finalement ce tableau clinique ou ce tableau diagnostique, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de signes qui sont non spécifiques, c'est-à-dire des choses qui peuvent finalement arriver un peu à tout le monde. L'altération du sommeil, le sentiment de fatigue au réveil, des troubles de l'attention, une humeur un peu changeante. Tout ça, comment est-ce qu'on peut l'identifier ou savoir que c'est effectivement lié à un syndrome d'épuisement professionnel et pas à d'autres formes de syndrome dépressif plus traditionnel? Alors, je ne vais pas faire de pirouette là-dessus, mais finalement, les gens qui ont ce type de choses, on a, donc je dis, diminué le temps de travail, donné du temps au loisir beaucoup. Le loisir est devenu peu cher, enfin je veux dire c'est malheureux, enfin c'est heureux, on peut le dire, ça coûte pas très cher d'aller passer une semaine en thalasso dans un pays en Tunisie ou ailleurs, et les gens maintenant c'est ça. Ça coûte pas très cher, faut quand même avoir un petit budget. Le budget, petit budget, c'est-à-dire que si on compare ces budgets par rapport au salaire de ce qui se passait dans les années 60 ou 70, on doit être à peu près qu'on peut voyager plus facilement. Voilà, oui, on peut voyager plus facilement, certainement. Donc le but, c'est de sans doute de bien travailler, mais aussi de savoir qu'on ne travaille pas. Si on commence à travailler pour dire je veux gagner de l'argent pour uniquement partir en vacances, ça c'est pas ça, quoi. Je veux dire, faut vraiment se réaliser dans le travail. Faut vraiment avoir une, dans tous les travaux. Vous savez, même les gens qui fabriquent, maintenant c'est souvent des robots, mais les gens qui fabriquent des voitures, les gens qui fabriquent dans des usines, ils doivent être contents de leur travail. On doit être content de son travail. Si on va travailler dans le laboratoire de monsieur Pessiglione, si on y va à l'envers, à reculons, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer dans cette voie. Faut faire autre chose, quoi. Alors, justement, ça c'est sur le côté tableau de diagnostic. Aujourd'hui, Mathias Pessiglione, est-ce que, il y a des marqueurs spécifiques, en termes d'imagerie, qui peuvent permettre d'identifier ce qui relèverait du syndrome d'épuisement professionnel et ce qui distinguerait de troubles dépressifs plus traditionnels? En fait, comme on vient de l'entendre, le tableau clinique de burn-out est très riche et avec beaucoup de symptômes communs avec la dépression. Et en laboratoire, on a comme toujours essayé d'appauvrir un peu la situation et de savoir ce qui était du ressort du travail excessif proprement dit. C'est-à-dire quel effet ça fait sur le cerveau de trop travailler pendant longtemps. Et on s'est intéressé à une forme particulière de burn-out dans le sport qui s'appelle le syndrome de surentraînement. Qui peut atteindre n'importe quel athlète. Alors souvent dans les sports d'endurance comme le triathlon ou le biathlon. L'exemple de Martin Fourcade. Voilà, par exemple. Et on pense que ce syndrome est lié à une fatigue mentale qui est liée au fait de trop utiliser des capacités que nous on appelle de contrôle cognitif. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle cognitif? Ça s'oppose aux réflexes ou aux automatismes. Si par exemple je fais une course d'endurance et que j'ai mal aux muscles, aux articulations, j'ai un réflexe qui me dit je dois arrêter, mais là je peux exercer ma volonté, exercer du contrôle cognitif. Et cette capacité de contrôle a cette propriété qu'elle s'épuise quand on s'en sert. Et on pense que c'est les entraînements excessifs qui visent à améliorer les performances dans les compétitions épuisent en fait ces capacités de contrôle et amènent ce syndrome de surentraînement qu'on voit chez le sportif. Ce syndrome de surentraînement, alors puisque dans le cadre sportif c'est évidemment professionnel, mais il est similaire à ce qu'on peut ressentir dans un travail plus quotidien, dans un travail plus administratif qui n'a rien à voir et qui n'engage pas finalement les mêmes enjeux de tension en termes de résultats par exemple? Alors oui et non oui, parce que si on regarde simplement la liste des symptômes du syndrome de surentraînement, on a les mêmes qu'on a dans la dépression, c'est-à-dire que au premier chef, on a une baisse des performances qui ennuie beaucoup évidemment le sportif et les coachs. On a une sensation de fatigue intense, mais on a aussi perte de l'appétit, perte du sommeil, irritabilité, rumination, enfin des symptômes qui ont déjà été évoqués et qui sont partagés avec le syndrome dépressif. Maintenant, on pense qu'il y a un phénomène commun entre le travail intellectuel intense et le travail sportif intense. Et c'est là que je reviens à cette capacité de contrôle. Parce que si j'ai un travail, qui est relativement répétitif. Je peux mettre en place des routines qui fait que j'ai pas forcément besoin d'utiliser beaucoup de ces capacités de contrôle. Si j'ai un travail au contraire exigeant parce que je dois sans arrêt m'adapter à des situations nouvelles, là je vais avoir tendance à épuiser ces capacités de contrôle. Et on parlait des signatures cérébrales tout à l'heure. En fait, le contrôle cognitif, il est lié aux régions préfrontales latérales, donc en avant et sur le côté du cerveau. Et on peut voir des signatures d'une fatigue mentale intense ou d'un syndrome du surentraînement sur le fait que pendant une prise de décision, quand on devrait normalement réfléchir, quand on est épuisé, on n'active pas normalement ces zones cérébrales préfrontales latérales. C'est-à-dire qu'elles sont sous-activées quand elles apparaissent à l'IRM fonctionnel ? Voilà, exactement. À l'IRM fonctionnel ou bien à l'EEG, l'électroencéphalographie. Et justement, effectivement, on se souvient du triathlète Martin Fourcade qui a souffert de ce syndrome. Je vous propose d'écouter la façon dont il en parle. Si on m'avait dit que je devrais affronter cette situation, je pense que j'aurais cassé quelque chose avant et finalement j'arrive à rester assez calme malgré forcément ces émotions qui sont assez difficiles à vivre, malgré qu'on se le dise ou pas, la fierté qu'on peut avoir quand on est sportif de haut niveau et qu'on se retrouve dans ma situation aujourd'hui. Faire un bon break, arriver à tourner cette page là et arriver à repartir sur une page blanche, en fait, ce que j'ai pas là, parce qu'à chaque fois que je prends le départ d'une compétition, je suis habité par la pensée de la veille. Et oui, ça va être un travail sur moi qui sera important cet été. Ça va être peut-être un break un peu plus long que d'habitude, mais voilà, je suis serein. Je veux dire, ça se casse pas du jour au lendemain et il n'y a pas de raison. Après, là, je pense qu'il y a une grosse fatigue qui est à la fois physique et beaucoup mentale sur cette fin de championnat et sur cette fin de saison. Et j'ai juste envie de me régénérer. C'est un petit burn-out sportif sans en avoir les sensations à côté. Parce que, voilà, comme vous disiez, à part sur la course, je ne vois pas venir grand-chose. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile parce qu'à chaque fois, on reprend la porte dans le nez, quoi. Voilà, Martin Fourcade qui... On entend finalement, ce qui est intéressant, François Marchand, quand on entend ces termes-là, c'est qu'on entend plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, on sous-estime beaucoup l'état de tension et l'état d'épuisement dans lequel on est. On parle d'un petit burn-out sportif. On sait que chez Martin Fourcade, ça prendra plus d'ampleur que cela. Et puis, la difficulté d'autodiagnostic, c'est la difficulté de se rendre compte qu'on est en train de vivre une situation qui est en fait une situation d'épuisement, en l'occurrence sportif, mais professionnel. Oui, en ce qui concerne l'exemple-là, il est très parlant, mais c'est vrai dans plein de professions. Ne pas la reconnaître, la maladie, si vous voulez, les sportifs de haut niveau comme les militaires sont des gens, militaires, je parle gendarmerie, tout ça, tous les militaires, sont des gens qui, la maladie n'existe pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être malade si on est nageur de combat, par exemple. On est nageur de combat et le reste, il faut le prendre comme quelque chose. Alors après, il y a les gens qui s'occupent de ces gens-là, qui peuvent voir les choses autrement. Mais ce que j'insisterai, je voudrais rebondir là-dessus, c'est qu'il y a quand même une échelle pour travailler. Et la difficulté, c'est que le burn-out, comme on le disait, c'est fait pas partie dans la classification des troubles psychiatriques du DSM-5. Alors le DSM-5, il faut rappeler ce que c'est. C'est le mental disease, une classification des troubles de psychiatrie. Qui est remis à jour régulièrement. Puisqu'on est au 5, il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc. Et il n'y a toujours pas le burn-out dedans. Et par contre, il y a des échelles de travail pour le burn-out. Quand on fait de la recherche, enfin, ça c'est monsieur Pessigan qui parle bien mieux que moi, mais il y a, si vous voulez, on a un outil de travail qui doit être commun. C'est-à-dire que qu'on travaille ici, dans Massachusetts, ou qu'on travaille en Chine, on a obligatoirement les mêmes outils. Alors, il a été fait une échelle qui s'appelle celle de Maslach, qui est une échelle faite par un psychologue pour l'échelle de burn-out. Et cette échelle, par contre, il n'y a pas de normatif. C'est-à-dire qu'on aborde les différentes composantes du burn-out, des personnes, personnalisation, etc., toutes ces composantes. Mais après, si c'est utilisé par certains types de personnes, je dirais, par exemple, syndicalement, et s'il y a un problème dans une entreprise, on va placer le seuil de burn-out beaucoup plus bas que si on est le patronat dans la même entreprise. C'est parce qu'il n'y a pas de règles de travail. Attendez, parce que du coup, qui pose le diagnostic, François Marchand, du burn-out? Parce que en fait, s'il y a une échelle, c'est précisément pour tenter d'objectiver le diagnostic. Tout à fait. Mais en général, c'est plutôt par le biais des médecins ou des psychologues. psychologue du travail. Enfin, ça se passe au niveau du travail en général. Ce sont ces gens-là qui vont d'abord voir les gens, si vous voulez. D'accord. On va demander à voir le médecin du travail ou le psychologue du travail, ou à la demande de leur supérieur hiérarchique, qui peuvent demander une consultation, d'avoir un avis. Mais cette échelle, elle est pas vraiment un outil de travail. C'est pourquoi c'est pas facile de parler de pourquoi c'est pas dans le DSM-5, parce que il manque un outil. Si Monsieur Pessy-Guillaume travaille sur quelque chose, je vous dis, il peut présenter ses résultats dans le monde entier. Et on aura affaire à des mêmes critères sur le cognitif. Alors, c'est compliqué. Le Mathias Pessy-Guillaume, enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer un diagnostic qui serait basé sur de l'imagerie ou sur peut-être des critères plus objectifs, effectivement, que cette échelle de Maslach, qui est donc nommée, grâce à Christina Maslach, qui a travaillé énormément justement sur ces questions du burn-out. Il y en a d'autres, hein, mais qui tentent justement d'objectiver ces symptômes. Ça me paraît un petit peu dangereux, donc j'irai prudemment sur ce terrain-là. Ce qu'on peut montrer, nous, c'est qu'il y a un corrélat d'un travail trop intense, ça c'est sûr. Maintenant, dans le burn-out, il y a beaucoup d'autres dimensions. Le fait que mon travail n'a pas de sens, c'est difficile à objectiver. Le fait que j'ai une pression de la hiérarchie, que j'ai un trop grand stress, que j'ai des horaires de travail qui me conviennent pas, ce sont des choses qu'on va pas mesurer avec une électrode sur le cerveau. Donc on voit bien. Nous, on peut objectiver des conséquences, encore une fois, d'un épuisement cérébral, c'est quelque chose de réel, mais ça ne rend pas compte de la richesse de la symptomatologie du burn-out. Et on va voir dans un instant que ces travaux d'imagerie et de recherche en neurologie, ils permettent non seulement évidemment de trouver des corrélations, mais aussi peut-être d'une certaine manière de penser à des certaines formes de prise en charge. On y revient dans un instant. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz. I can tell you is, it's all showbiz. What it is, what it is, what it is, what it is. Nobody loves you when you're down and out. Nobody knows you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you knife mine. I've been across the water now so many times. I've seen the one-eyed witch doctor leading the blind. But still you ask me, do I love you? What you say, what you say. Every time I put my finger on it, it slips away. Every time I put my finger on it, it slips away. Nobody Loves You When You're Down and Out de John Lennon à 16h35 sur France Culture. Personne ne vous aime quand vous êtes malheureux et à l'extérieur de la société. Si on essayait de traduire le titre de cette chanson, c'est un peu le sentiment que l'on ressent quand on traverse une période de burn-out. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Nous en parlons avec François Marchand, qui est responsable du centre d'investigation et de traitement des insomnies à l'hôpital de jour du service de psychiatrie adulte à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Mathias Pessiglione, qui est responsable de l'équipe motivation, cerveau et comportement à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors, pour faire la transition et poser la question de la prise en charge du burn-out, qui, comme on a entendu que le diagnostic peut être parfois complexe à poser, eh bien la prise en charge du coup est tout aussi complexe à définir. Eh bien la recherche en imagerie et l'application de cette recherche peuvent aider à l'un et à l'autre. Antoine Beauchamp, vous êtes rendu justement dans une unité de recherche de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et pour comprendre comment on aborde la question de la prise en charge psychiatrique du burn-out, je suis allé à la rencontre de Philippe Fossati. Philippe Fossati est professeur de psychiatrie à Sorbonne Université, chef du service psychiatrie adulte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et co-responsable de l'équipe contrôle cognitif, interoception, attention à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Pour commencer, Philippe Fossati nous décrit les outils de neurosciences cognitives qui pourraient être d'une aide précieuse pour comprendre le fonctionnement de syndromes comme le burn-out au niveau du cerveau. Il nous explique également les mécanismes communs au burn-out et à la dépression, comme le sentiment d'isolement, qu'il faudrait étudier pour mieux anticiper les effets délétères du burn-out sur la santé. On travaille en fait, on fait ce qu'on appelle des neurosciences cognitives, qui utilisent par exemple les outils à la fois la psychologie cognitive, c'est-à-dire des processus comme par exemple l'attention, la mémoire, les fonctions de prise de décision. Et on utilise, combiné à ces outils, à ces méthodes, on utilise aussi des outils, par exemple, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle pour étudier à la fois chez des sujets sains. Alors, l'imagerie cérébrale fonctionnelle, ça peut être l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique ou l'électroencéphalographie. Donc, pour étudier à la fois chez le sujet sain et pour comprendre le fonctionnement du cerveau, par exemple, dans des pathologies ou des situations particulières, comme par exemple le burn-out ou la dépression. Comment est-ce que vous intégrez cette notion, ce concept de burn-out dans le cadre de ces recherches ? Après en parler, on n'a pas de recherche sur le burn-out, c'est-à-dire sur cette population, puisque nous, on travaille plus sur la dépression. Mais il faut savoir d'abord que la dépression est une complication fréquente dans ces situations de burn-out et qu'il y a probablement des mécanismes communs qui contribuent à la fois au burn-out et qui peuvent contribuer à la dépression. Un des mécanismes sur lesquels nous, on travaille beaucoup, à la fois chez le sujet sain et donc chez les déprimés, mais qui peut donc s'appliquer tout à fait aux situations de burn-out, sont ce qu'on appelle les situations où le sujet, l'individu, se sent exclu socialement, isolé socialement, ou se sent dévalué socialement. Quelles répercussions ça a sur la santé de l'individu, ce sentiment d'isolement? Comment on le caractérise et comment on le modifie, fait changer? Voilà. Il faut savoir que d'abord, le besoin d'appartenance à un groupe social est un besoin fondamental de l'espèce. Nous sommes des espèces sociales, des espèces grégaires, hein, et on sait qu'en groupe, on est plus fort que tout seul, parce que ça nous permet de faire face aux dangers, ça nous permet aussi d'accéder aux ressources nutritives, d'accéder même aux ressources pour la reproduction. Donc, le besoin d'être dans un groupe et de besoin d'appartenance est un besoin fondamental. Et donc, c'est pour ça que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des structures et des systèmes cérébraux qui sont en quelque sorte codés et qui permettent, lorsque ce besoin fondamental d'appartenance, donc toutes les situations où on a soit par exemple une dévaluation par le groupe social, alors on constate ça maintenant en plus par exemple avec les réseaux sociaux, ou lorsqu'on est l'objet d'ostracisme, de rejet, eh bien tout ça va mettre en branle ces structures cérébrales pour permettre à l'individu de s'adapter. Si malheureusement ce sentiment d'isolement social, de dévaluation est entretenu, on peut probablement produire des situations comme le burn-out et qui peuvent avoir un retentissement évident sur la santé. Ça a été montré que, par exemple, le sentiment chronique d'isolement social produit un risque de dépression, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, comme des infarctus, et augmente aussi le risque, par exemple, de maladies dysimmunitaires, inflammatoires, comme par exemple des maladies articulaires, du rhumatisme inflammatoire, etc. Vous êtes sur les deux tableaux, sur le versant recherche et sur le versant clinique. Est-ce que en clinique, vous constatez une espèce de recrudescence de personnes qui se présentent à vous en vous disant qu'elles souffrent de burn-out? Si oui, comment vous les prenez en charge? Là où on a, nous, un biais de recrutement en tant que médecin psychiatre, c'est que souvent les gens viennent nous voir lorsqu'il y a éventuellement une complication de ce burn-out, ou lorsque, je veux dire, les premières mesures qui ont pu être organisées, soit d'essayer d'aménager le lieu de travail de l'individu, puisqu'encore une fois, le burn-out, c'est une nid d'adaptation des besoins de l'individu aux demandes de son environnement, demandes qui peuvent être excessives, inadaptées, bien évidemment, c'est pas uniquement lié à l'individu. Mais donc, le médecin du travail, éventuellement des psychologues du travail, voire le médecin traitant, peuvent permettre de faire des aménagements. Mais lorsque, malgré ces aménagements, les symptômes persistent, voire se compliquent d'autres symptômes, comme par exemple des idées suicidaires, une autodévalorisation très importante, des troubles du sommeil, eh bien, à ce moment-là, on arrive en deuxième ligne, en quelque sorte, pour prendre en charge ces individus. Alors, c'est vrai que on voit que le monde, maintenant, du travail devient un monde de plus en plus violent, j'allais dire, et de plus en plus difficile, et que les rapports sociaux, voire même les conflits sociaux au sein des entreprises deviennent très difficiles. Et on a beaucoup des gens qui, en fait, se présentent à la fois avec une double symptomatologie, c'est-à-dire à la fois des symptômes de burn-out et des symptômes de dépression. Par rapport au point qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de l'exclusion sociale, du sentiment d'isolement, dont on sait maintenant qu'on connaît bien les structures cérébrales. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces structures cérébrales, mais on connaît bien la signature, j'allais dire, cérébrale de ce sentiment d'exclusion sociale. Donc, il reste maintenant à étudier ça chez les patients qui présentent, ou les sujets qui présentent un problème de burn-out, et voir si ces régions en quelque sorte sont dysfonctionnelles ou s'organisent mal ou se coopèrent mal. Mais ce qui a été montré dans une large enquête, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment une plainte qui est très fréquente chez ces sujets qui présentent un burn-out, le sentiment d'être dévalorisé, le sentiment d'être isolé. Et alors, au-delà de permettre de mieux identifier ces individus, ça peut permettre aussi de proposer des réponses, c'est-à-dire d'essayer d'augmenter, parce que bon, l'organisation du travail, c'est compliqué, mais d'essayer, par exemple, d'augmenter dans les organisations des équipes, dans le management des équipes, d'essayer d'augmenter le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être connecté, le besoin d'organiser des réunions où on puisse évoquer les émotions ressenties qui faciliteraient, j'allais dire, la prévention, voire le traitement de ces burn-out. Voilà ce reportage du jour autour de la recherche, de la compréhension de ces syndromes d'épuisement professionnel, de burn-out. Peut-être juste une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, François Marchand. Évidemment, le professeur Fossati, je le connais très bien et c'est très bien. Il y a une chose différente par rapport à ce qu'il dit, qu'il faut noter, c'est que les gens que je vois, moi, sont des gens qui ont des problèmes de sommeil, donc des gens qui ont des problèmes d'insomnie, en général, et je les vois avant, si vous voulez, on les voit avant, et ils ne sont pas forcément déprimés, mais on peut suspecter qu'il y a un burn-out, quelque chose qui va se mettre en place, et que derrière, il y aura la dépression. Mais donc, et ces gens-là viennent, pourquoi ils viennent voir un spécialiste du sommeil et pas un psychiatre? C'est que vous savez très bien qu'il y a des gens qui refusent, on en parlait tout à l'heure par rapport aux sportifs, ou d'autres types de professions, les gens ne veulent pas voir de psychiatre, ils ne sont pas malades, ils viennent voir un problème, c'est le problème du sommeil qu'il faut résoudre, et si je dors, tout va bien. Voilà, et c'est un peu ça qui fait qu'il y a un biais, et qu'il y a un grand intérêt à travailler justement sur l'insomnie, qui est un des premiers signes qui va apparaître dans le burn-out, et qui peut être pris en charge bien par des thérapies autres que des médicaments. On va venir à la prise en charge, peut-être votre sentiment, juste votre réaction à ce reportage, Mathias Pessier. Oui, ce qui m'a intéressé, ce que je voulais souligner, c'est l'aspect motivation, il le dit bien, il faut qu'il y ait un sens au travail, il faut qu'il y ait un entourage, et ça fait écho à la façon dont en neurosciences cognitives, on conceptualise le phénomène d'épuisement, parce qu'on pense qu'il s'agit d'un compromis coût-bénéfice, c'est-à-dire quand je dois décider est-ce que j'investis de l'effort mental dans une tâche particulière, le cerveau automatiquement évalue les coûts et les bénéfices. Ce qui se passe avec la fatigue, c'est que les coûts augmentent, c'est-à-dire le coût de recrutement de mon cortex préfrontal augmente, c'est plus en plus difficile à activer. Maintenant, si la motivation surpasse le coût, c'est-à-dire si le bénéfice que j'en attends, le plaisir, la récompense surpasse le coût, je vais le faire quand même. Mais si le bénéfice n'est pas au rendez-vous, si tout ça n'a plus de sens, si je me sens pas soutenu, etc. Et dans ce cas-là, je lâche. Et les gens qui rentrent en burn-out, ils disent des choses comme ça. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, il n'y a plus rien sur la pédale. Ou j'appuie sur la pédale, mais il n'y a rien qui vient. Et ça a des conséquences directes en termes, par exemple, de quantité de neurotransmetteurs dans des circuits dopaminergiques, sérotoninergiques. Oui, alors là, on vient au cœur de mon travail et même des recherches actuelles. Parce que la grande question, c'est pourquoi le coût augmente. En vérité, cette fatigue mentale, c'est quelque chose de très mystérieux. Personne ne comprend pourquoi on fatigue. J'aime bien citer cette anecdote de Garry Kasparov. Donc, la première fois qu'il perd contre Deep Blue, donc Kasparov, hein, le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, selon les spécialistes. Face à un ordinateur. Voilà, face à un ordinateur. Et pour expliquer sa défaite, il dit pas Deep Blue avait des possibilités de calcul extraordinaires. Il a dit, il jouait tellement vite que j'avais pas le temps de récupérer et je me suis épuisé. Et en fait, il était vraiment épuisé au fil des parties. Vous savez que ça dure plusieurs jours, hein, un tournoi d'échecs. Et en fait, c'est une des différences entre le cerveau humain et la machine. Mais on pourrait se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que on ne peut pas, comme les ordinateurs, fonctionner tout le temps à plein rendement, sans fatiguer, etc. Et donc on pense qu'il y a des altérations métaboliques quand on utilise nos capacités préfrontales de contrôle cognitif et que le cerveau a mis en place, a évolué au cours de l'évolution, par la sélection naturelle, un système de régulation. C'est-à-dire que quand le risque est trop grand d'accumuler des métabolites qui pourraient être toxiques pour les cellules, le cerveau génère un signal de fatigue, une espèce de signal d'alarme qui dit « stop, on s'arrête ». C'est une espèce de régulation naturelle. Donc la personne qui est en train de s'épuiser et qui persiste à essayer d'en faire plus dans son travail pour atteindre ses buts, en quelque sorte, va contre ce mécanisme naturel qui lui dit d'arrêter. Mmh. Et ça se traduit, ça pour le moment, ça se traduit par exemple justement en termes de recherche sur les quantités de neurotransmetteurs que l'on peut repérer à l'œuvre dans le cerveau ou... Oui, alors là on est vraiment aux recherches qui se font aujourd'hui, donc on n'a pas la réponse définitive à cette question. L'hypothèse c'est que il y aurait une accumulation de glutamate dans ce cortex préfrontal latéral. Le glutamate qui est un neurotransmetteur l'un des plus courants Oui, mais qui peut s'avérer dangereux ou toxique pour les cellules s'il augmente en trop grande quantité. Donc c'est pour ça que le cerveau aurait intérêt à limiter les concentrations de glutamate. Et pour ça, en quelque sorte, faut pas trop forcer, faut pas trop utiliser son cortex préfrontal. Sinon, on peut rentrer effectivement dans un syndrome d'épuisement ou de burn-out. D'accord, donc ça c'est pour la recherche en ce moment. D'autres questions justement, peut-être autour de la prise en charge, François Marchand, aujourd'hui. Alors on a compris que le diagnostic est parfois compliqué à poser parce qu'il y a beaucoup de comorbidités. Est-ce que vous avez déjà l'impression que les choses s'arrangent de ce côté-là ? C'est-à-dire qu'il est plus simple aujourd'hui de poser un diagnostic quand on se sent épuisé et quelles sont les solutions de prise en charge qui existent aujourd'hui en termes psychiatriques, en termes éventuellement médicamenteuses, en termes de thérapie cognitive ou comportementale ? Je crois qu'il faut déjà considérer que c'est quelque chose qui est multifactoriel et que donc c'est plutôt un travail en équipe et qui va pouvoir résoudre les choses. C'est-à-dire qu'il faut travailler en harmonie. On ne va pas soigner quelqu'un en le voyant de temps en temps comme ça sur des consultations ou même en l'hospitalisant comme ça. C'est pas si simple. Je crois qu'il faut travailler là, dans le cas du burn-out, clairement avec des psychologues du travail, médecins du travail, délégués de l'endroit où les gens travaillent. Parce que tout le monde n'a pas non plus la même propension à pouvoir s'adapter, quoi. Ce que disait Monsieur Pessiglione, par exemple, c'est juste, c'est-à-dire que il y a des limites à ne pas dépasser certainement, mais il y a aussi la limite n'est pas forcément la même pour tout le monde, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont beaucoup plus de possibilités d'utiliser leur cortex préfrontal sans qu'il y ait trop de glutamate, mais il y en a d'autres, ça va pas être aussi simple, c'est tout. Donc ça, on pourra pas parler du glutamate aux gens, c'est pas le propos pour les soigner. Mais par contre, ce côté collégial des choses est une nécessité, et avec des juristes aussi. C'est ça que je voulais rajouter. Non seulement il y a les gens qui s'occupent de la santé, ok, on les a nommés, ce sera des psychologues, des médecins, des infirmiers, enfin des équipes. Mais derrière ça, il y a tout ce côté juridique. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui des équipes pluridisciplinaires, justement, Mathias Pessiglione, pour la prise en charge correcte de ces phénomènes de burn-out ? Oui, absolument. En tout cas, il est évident que les neurosciences toutes seules viendront pas à bout du problème. Je voudrais dire une chose sur la prise en charge. Il y a une erreur à ne pas faire, il me semble, c'est quand on perd ses capacités ou ses performances au travail ou dans le sport, c'est d'essayer à tout prix de retrouver un niveau de performance antérieur en prenant des produits dopants ou stimulants. C'est ce qu'on voit dans le sport, par exemple. Donc il y a toute une problématique sur le dopage qui serait consécutif à un syndrome de surentraînement. Donc la tête qui n'arrive plus au même niveau de performance, qui se sent épuisée, n'a pas forcément le temps ou le courage d'interrompre son calendrier de compétition et va chercher avec des produits une récupération rapide. Mm. Et ça, je pense que le docteur Marchand serait d'accord, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut vraiment s'inscrire dans un temps long pour la prise en charge. Ce que Mathias Pessiglione décrit pour le syndrome de surentraînement de l'athlète, on le retrouve d'ailleurs hein, parmi les comorbidités de personnes qui font du burn-out, c'est-à-dire une surreprésentation de comportements à risque, de toxicomanie. Tout à fait, bah oui, c'est une évidence de voir la consommation de cocaïne qui est quelque chose de fréquent, c'est vraiment dramatique, quoi. C'est-à-dire que là, on se met dans des situations très dangereuses, où on n'est pas forcément loin d'un passage à l'acte suicidaire, etc. C'est-à-dire que et fréquemment, que ce soit les sportifs ou que ce soit des gens particulièrement brillants, dans votre métier, on sait très bien, dans le milieu des journalistes, il y a pas mal de gens qui ont recours à certaines drogues pour tenir le coup, parce que l'émission est la nuit, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, hein, j'en ai vu des journalistes connus, est obligé de prendre dans plusieurs sphères professionnelles, on trouve également chez les marins pêcheurs, en agriculture, c'est une prise qui prendre des stimulants pour tenir tout et à pour fait. Quel qu'il soit, c'est pas propre. Alors, il y a les amphétamines, tout ça, il y a été pris. Alors et comme en plus le médicament, je pense qu'il faut y avoir recours le moins souvent possible, et comme ces gens ont une espèce d'attitude des fois un petit peu impulsive envers des médicaments, parce que quand vous avez les gens, leur suivi, leur manière d'être, c'est qu'ils ont déjà pris quelques psychostimulants, si on peut dire, de manière sous forme de drogue, et que quelquefois, quand les gens ils ont certaines pathologies comme le déficit attentionnel, on peut traiter des gens qui ont un trouble attentionnel avec des difficultés et une hyperactivité, on va les traiter par exemple avec une amphétamine. C'est ça qu'on leur donne, ça marche bien. On prescrit plus tellement d'amphétamine aujourd'hui. Là, mais sans rentrer dans les généralités, peut-être aujourd'hui poser la question, puisque Marie Pézet avait ouvert une consultation en 1997 à Nanterre. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des consultations hospitalières, il faut se rapprocher de son médecin du travail. Quel est le chemin finalement classique quand on sent qu'on arrive au bout, quand on réalise qu'on est en train de tirer sur la corde pour pouvoir être pris en charge? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une prise en charge uniquement psychologique avec des thérapeutes? Est-ce que ça peut être accompagné également par un traitement médicamenteux, François Marchand? Déjà, je veux rebondir sur le fait qu'on prescrit des amphétamines pour des maladies particulières, et c'est une manière assez récente et nouvelle de le faire, mais ça se passe bien, je le dis, donc c'est quelque chose de bien contrôlé. Ensuite, c'est pas souvent la personne qui vient pour se soigner, c'est l'équipe justement, et cette espèce d'équipe multidisciplinaire qui s'occupe des gens et qui doit la conduire à se soigner, parce que c'est pas les gens forcément eux-mêmes qui viennent en consultation. Il faut que ce soit fait par la médecine du travail, je répète, dans leur entreprise, souvent. C'est pas les gens viennent pas forcément nous voir, et vont vraiment, c'est quand on leur conseille de consulter. Est-ce qu'il y a des facteurs à l'inverse des facteurs aggravants? Est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs, par exemple? Est-ce qu'on a constaté que chez certaines populations, on est un peu moins sensible justement à ce type de phénomène d'épuisement, Mathias Pessiglione? Pour les facteurs, je suis pas complètement sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est en tout cas si on parle des capacités de contrôle, c'est un facteur déterminant de la réussite sociale, professionnelle, scolaire. C'est des travaux qui datent un peu, mais qui n'ont pas été remis en cause. Que vous connaissez peut-être, c'est l'expérience, la fameuse expérience du chamallow. Vous avez un si je raconte l'expérience. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Donc c'est ce qu'on fait avec les enfants, c'est un test qu'on fait avec les enfants. Vous avez un enfant dans une pièce, on met un chamallow sur la table et on dit à l'enfant, si le chamallow est encore sur la table quand je reviens, alors tu auras un deuxième chamallow. Et on filme l'enfant, et vous avez des vidéos sur YouTube, vous pouvez les voir. On voit comment l'enfant se débrouille pour essayer de résister à la tentation, autrement dit, se contrôler, puisque évidemment le geste automatique, c'est de prendre le chamallow, de le manger, parce que c'est bon si on aime le chamallow. Et on sait que la capacité à résister, est un bon prédicteur du niveau d'études, de l'insertion sociale, de l'indice de poids corporel, de la prise de drogue, etc. Donc il semble qu'il y ait des dispositions, même assez basiques, hein, du point de vue cognitif, voire cérébral, qui permettent d'endurer, de réguler ses automatismes et effectivement de contrôler sa vie. Avec un effet qui peut être pervers, parce que si on essaye de trop contrôler, comme je disais tout à l'heure, on peut aller dans le mur et on peut s'épuiser. Il y a parmi les facteurs protecteurs qui ont identifié aussi l'âge, hein, plus on est âgé en général, plus on arrive à mieux prendre en compte et prendre en charge une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle. Les femmes sont plus vulnérables et seraient plus vulnérables aussi selon des études que j'ai pu lire. La question peut-être que je voulais vous poser pour conclure, c'est que quand on regarde, hein, au niveau européen, la France est plutôt dans les mauvais élèves dans la considération et les prises en charge des risques psychosociaux. Comment vous expliquez ça, François Marchand? Alors, je pense qu'on peut expliquer ça. Il y a certainement beaucoup de manières de l'expliquer. J'ai une explication que j'ai citée, c'est de dire qu'en France, on a répondu à cette fameuse révolution industrielle par le médicament. Ça, c'est les années 20. On a décidé de, le mot insomniaque est arrivé dans le dictionnaire de la langue française en 1921. Avant, on ne parlait pas d'insomnie. Il y a peu de références à l'insomnie. Et en fait, on était tout de suite consommateurs d'hypnotiques, sous influence de personnes qui ont diffusé ces médicaments. Et ça a duré pendant très très longtemps, et avec les pouvoirs publics se sont mis comme point d'honneur à essayer de diminuer la consommation, alors en mettant des restrictions de prescription, des délais de prescription, mais ils ont jamais réussi à diminuer et à faire une espèce d'inflation de la consommation. On a vraiment maintenant toujours, on est toujours les premiers, donc on est les premiers consommateurs, et c'est pas en prenant des médicaments, en général les médicaments aggravent les choses, ils vont pas parce qu'au niveau cognitif, tous ces médicaments qu'on peut donner pour gérer le stress, l'impulsivité, tout ça, ce sont des médicaments qui vont quand même malheureusement avoir, qui vont donner un émoussement, et cet émoussement va aggraver les choses. Peut-être qu'il n'y a pas que les médicaments et la prescription, peut-être que, je ne sais pas, quand on regarde sur les différents tableaux, on voit que notamment les pays du nord de l'Europe ou le Canada sont très en avance dans justement la prise en charge à différents niveaux pluridisciplinaires, notamment via le développement de la médecine du travail, peut-être, je ne sais pas, une intuition, Mathias Pessiglione, à ce sujet. Pour les aspects prise en charge médico-sociale, je ne pourrais pas me prononcer. Moi, je pensais évidemment aux possibilités de thérapie cognitive, voire d'entraînement cérébral, voire de neurofeedback. Puisqu'on sait que le cerveau, c'est une bénédiction, est un organe qui peut se changer très facilement avec la pratique. Mmh. Et on peut entraîner en fait des capacités cognitives comme celle de contrôle. On peut entraîner son préfrontal latéral. Et donc on peut développer ses capacités, et on peut apprendre à réguler, on peut aussi apprendre peut-être avec du neurofeedback à mieux détecter ses signaux de fatigue et réguler son travail, ses pauses à bon escient. Exactement, on y reviendra, hein, dans une prochaine émission, peut-être avec des psychiatres pour revenir et pour prendre en charge de manière un peu plus vaste cette question et cette vaste et complexe question du burn-out. Merci beaucoup à tous les deux, François Marchand, Mathias Pessiglione, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Mina Guetsin, Vulle France, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. Demain, on change complètement d'univers puisque nous parlerons de cette énorme étoile dont la luminosité s'est récemment mise à baisser dans le ciel nocturne. Est-elle sur le point d'exploser? Va-t-elle se transformer en supernova? Que se passe-t-il autour de Bételgeuse? Sans jamais le répéter trois fois, je vous jure, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.